Bébé, je t'adore, mais je n'ai pas de blé. De voiture pour t'en déballer. J'ai qu'une chose à dire, on ne peut pas se l'assurer. De toute façon, j'ai déjà tout donné. Bébé, je t'adore, je n'ai pas aimé. Tu vas te voir de moi, je ne veux pas se faire. J'ai qu'une chose à dire, on ne peut pas se l'assurer. Non, ça n'a pas de vie, ça peut se donner. Chez Cartier, tu n'aimes que le luxe, les gens à côté, tu n'aimes que les gens qu'on vit dans les budgets. J'ai déjà donné.